Manqué de ne pas sentir la profondeur, une nostalgie qui devient compagnie dans les moments de joie ou de mélancolie, dans les moments difficiles, lorsque tu prends des décisions avec sang-froid. Manqué chaque compétition, entraînement, voyage et expérience regardant des photos où tu n'es pas là. Manqué chaque cri, chaque sifflement, chaque ala, chaque respiration, lorsque ton corps et ton esprit ne sont pas là en compétition. Manquer cet endroit où ton esprit était en sécurité. Le manquer dans la solitude mélancolique.